Je sais que la vie est courte, mais quoi qu'il m'en coûte, je t'attendrai. Je sais que la vie est belle, mais quoi qu'il advienne, je t'attendrai. Je t'attendrai. Je sais qu'il viendra demain sur ce qu'est un train. Je t'attendrai. Bien que tu sois très loin, chaque matin reviens pour me parler de toi. Sur mon chemin, je sais bien qu'il n'y aura.